Aujourd'hui, 30 juin 2017, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon ami. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! 30 juin! Hey, tu commencerais toujours. Toujours commencer dans l'effervescence. L'éblouissement du moment. 30 juin, à l'heure où on se parle, au moment où l'on se parle, je suis là-bas. Comme je disais la semaine dernière, avec ma bouche et mon micro qui capte les mots de nos invités qui ont tellement de belles choses à nous proposer. C'est ça, Errance Rénadienne. Et le 23, il y a 6 jours, Sonia était mon invitée. Aujourd'hui, le 30, Sonia, pour la dernière émission de notre rencontre, mais pas la dernière émission de l'année de notre rencontre, est là, encore une fois, pour notre plus grand plaisir. Si vous êtes des habitués d'Errance Rénadienne, vous savez que pendant ma rencontre, ça se termine par des photos. Et l'année dernière, en 2016, j'ai oublié de nous prendre, de nous saisir le portrait, de nous tirer le portrait. Expression tirer le portrait. Herbe sous le pied, on lui a parlé la semaine dernière. Mais tirer le portrait, est-il là? Présent? Et on est au début. Mais oui, puis on va attaquer fort. On va attaquer dans le vif du sujet. Non, ce sujet-là ne sera pas... Oui, on va l'utiliser, le sujet. Il y a plusieurs petits sujets dans un gros bazar, un grand bazar. Le big bazar des Rénadiennes, sans Michel Fugain. Quoique la sanguinité, hein? La veine est tout à fait prononcée, est tout à fait présente, est tout à fait visible. Dans ce bras CKRLien. Oh, hey, tu l'as cherché loin. Non, j'ai rien cherché. J'attends que les mots arrivent, moi. Je suis comme un vaudou. Très doux, un vaudou doux, pas un vaudou violent, là, pas « viens-t'en, qui cherche des mots, mais avec violence, là. Moi, je suis un vaudou, doux, dans des trous caverneux, dans une obscurité réjouissante qui nous amène souvent à des mots involontairement juxtaposés et qui donnent un sens loin de l'innocence. Très loin de l'innocence. Regarde-moi l'innocence. Non, il n'y en a pas d'innocence là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il y en aura peut-être un jour. Mais ce jour-là, j'espère de m'en rendre compte. 30 juin. J'ai passé à un cheveu d'annuler mon voyage parisien. L'année dernière, avant d'acheter mon billet. Pourquoi? parce que je ne pouvais pas partir de Québec dans un vol direct. J'ai été obligé de passer par Montréal, de Montréal à Paris, quelque chose comme 14 heures d'avion pour un petit voyage qui prend 6 heures et demie. Tu perds une journée et demie à t'attendre à Paris, tu reviens toujours une journée et demie parce que là, tu pars de Paris, tu arrives à Montréal, Montréal-Québec, mais là, de Montréal à Québec, là, l'attente est longue. Très longue. Tellement longue que rapidement, quand tu t'en vas de Québec à Montréal, Montréal-Paris, quand tu es à Montréal pour la première fois avant de revenir, tu vérifies où est le bar. Cette heure d'attente devant un bar, c'est pas long. Mais cette heure et demie assis à regarder la télévision qui nous amène la météo du monde quand tu reviens à Québec après un voyage, t'as ton voyage. Tu veux revenir dans tes caleçons longs. Tu veux prendre une douche tout seul dans ta douche. Fini le tripotage dans les auberges de jeunesse. C'est pour ça que t'aimes ça à Paris. Ah, il y a du tripotage. Ah, il y a passe-moi le savon. Puis, ah, des expériences. Je peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que je prends tout le temps mix. Moi, hey, lâche-moi les affaires de les filles, les gars. Puis en plus, cette année, j'ai été encore un peu plus loin. Parce que je veux vivre des expériences, moi. Je prenais des chambres de 4 mix. Mais là, j'ai choisi des chambres de 6 mix. Hey, 6 mix. Ça va mixer pas à peu près, hein? Oh, je pense que je pourrais pas faire mes rencontres. Ça va se passer dans la douche. Voyons, raccrochez. Vous êtes bien ici. C'est pas vous. Ah. Bon, on vient de perdre un auditeur. C'est triste. Pas besoin d'être à Venise pour trouver que c'est triste. Oh, que c'est triste Venise avec ou sans rien, que c'est triste à Venise, toi, qu'il m'a bleu. Faut prendre ça relax, la vie, là. Quand tu prépares un ragoût de boulettes ou un pot-au-feu, t'as un pot-au-feu. Quand tu prépares un pot-au-feu, tu sais que ça va bouillir. Tu sais qu'il va avoir quelque chose d'assez violent dans ton poêlon, dans ta mijoteuse. T'sais. Tu sais que c'est, quand ça mijote, c'est bien beau que ça fasse... T'as feu doux, là? Quand ça fait mal à un moment donné, là. Il y a une souffrance, mais une souffrance qui est répétitive, rythmiquement intéressante, et que le chaos est comme sur une stratosphère. Qu'est-ce qu'il va nous dire, là? Une stratosphère chimique. Est-ce que... Non, c'est pas chimique, c'est la cuisson, c'est physique. Comment ça, la cuisson, c'est physique? Mais j'ai jamais analysé, là. Ça, je vous le dis, là, pour en parler, là. Gastronomique. On va mettre ça dans gastronomie. On se lancera pas dans... Moi, j'ai jamais été physicien ni chimiste. Je suis pas le savant flou. Oui, un savant flou, mais pas fou. Quoique, plus t'es flou, plus t'es fou. Exactement, vous avez compris. Donc, on met ça dans la gastronomie. Quand il y a des pout-pout gastronomiques, hein, des pout-pout, quand tu fais de la cuisine, il y a quand même, lorsque tu prépares ton mets, un certain intérêt dans ton plat que tu prépares. Là. Il y a, tu sais, la mijoteuse, elle mijote, mais elle mijote des affaires que tu as mis dedans. Là, à quoi tu veux venir? Dans quoi tu veux? Moi, si je veux venir, mais non... Présentement, je veux. Oui, ma pensée bouillonne, mais c'est comme le pou, pou, pou, pou, pou. Ça sort un peu, là. Il y a un peu de jet qui. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de structure. Vous avez raison. Je m'en excuse infiniment. Cela est juste et bon. Bon, oui, on continue. Moi, parce que là, je viens de lire abaisse. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu refaire une structure d'émission. J'ai mis générique, improvisation, une chanson, analyse filmique ou littéraire, introduction, bloc 1, rencontre rue des abeilles, bloc 2, rencontre rue des abeilles. C'est ça que je suis en train de lire. Pas pire, hein? Oh, il sait lire! Merci. J'étais à l'école, pas pour rien. Mais bon, à un moment donné, quitter l'école pour aller à l'école de Lévis, c'est là qu'il y a... Mais on n'a pas de certificat là-dedans. Puis pour les gens qui ont pas les mots pour le dire, peuvent pas l'exprimer. C'est un peu normal quand tu n'as pas les mots, tu ne peux pas t'exprimer. Quand il y a des mots, il y a une expression qui sort. Il y a une sorte de vacuum. Voilà, Mme Thibodeau, vacuum. Merci. Ça sort comme ça peut, ça sort comme ça veut, puis au moins ça sort. J'ai rien à dire, mais je vais le dire. Puis en ce mot 30 juin, plusieurs Québécois, Québécoises préparent, là, je suis sûr, certains, qu'il y en a au moins une dizaine qui écoutent Errance Renaldienne en faisant des boîtes. Parce qu'ils vont déménager. Parce qu'au Québec, du 31 juin au 1er juillet, tout le Québec se sont donné un moment précis pour déménager lorsqu'ils le sentent bon. Moi, je ne sens pas bon, là, je déménage pas. Non, sans se sentir. Quand l'appartement ne te convient plus, exemple, tu vis dans un 2,5 seul avec ton chat et ta souris, mais là, tu as trouvé la déesse de ta vie et tu veux vivre avec dans un appartement, donc vous allez déménager dans un 4,5. Elle avec son chien et son oiseau. Son hurluberlu, tu te dis c'est un hurluberlu parce que t'es pas capable, hein, t'en reviens pas, tu le vois, là, tu dis voyons donc. On dirait que c'est un miroir quand je me lève. Il est tout non, il n'y a pas du poil, lui, il y a des plumes. Il a toutes les plumes tout croche. Elle l'aime parce qu'il est tout croche. Puis là, toi, à l'intérieur de toi-même, tu te poses des questions. Elle m'aime-tu parce que je suis tout croche aussi? Attire-t-elle? Elle est-elle en pamoison devant les tout croches du monde entier? Pose des questions dans la vie, là, mais certains, comme moi, s'en posent trop. Le tout croche amène le tout croche. L'expressionnisme allemand, où tout est croche, c'est tout dans le milieu expressionnisme allemand. Allez voir les décors. Il y a un musée du cinéma, là, Henri Langlois. Henri Langlois, c'est qui, ça? Eh bien, lâche-moi ça, là. La Cinémathèque française, Henri Langlois. Un bonhomme qui s'est consacré, qui a consacré sa vie. On est en train de tout défaire, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. C'est triste quand du monde, surtout seul, comme un porte-flambeau, adore le cinéma et donne des titres de noblesse à cet art-là, et d'autres qu'on appelle les bureaucrates cravatés, quand celui qui a monté son entreprise n'est plus, quand ces gens-là prennent un vilain plaisir à déraciner le travail d'un homme, hein, pas d'un groupe, pas d'un organisme, d'un homme. Henri Langlois, Cinémathèque française. En 89, j'ai visité, parce que j'étais un jeune étudiant en cinéma, donc un curieux, et j'ai vu les décors des films de Murau, expressionnisme allemand, les véritables décors, au même titre que j'ai touché la jupe de Taylor, Elizabeth Taylor, dans Les filles de Dr. Moche. Non, ils sont pas moches du tout, ils sont sublimes. J'ai touché deux roues du film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Étaient là, je ne sais même pas s'ils sont encore là. Étaient là. Tu pouvais toucher au tissu de... On nous laissait toucher. J'ai pris, moi, la version... comment t'appelles ça? Avec... pas un professeur, mais quelqu'un qui te raconte l'histoire de... Tout à fait intéressant. Faudrait que j'y retourne. C'est tellement beau. Mais par contre, j'ai jamais été... Dans le musée Grévin, tu sais, où les musées de tir, là, jamais été là. Je me vois le matin, là, le musée de cire, là, je ne m'attire pas trop tôt. Je me dis, voyons donc, j'ai bien la peau grasse, je pourrais aller au musée Grévin. Elle va pire, au musée Grévin. C'est pas vrai, j'ai la peau chèche-chèche, je suis en train de se défaire tranquillement, moi, là. Des fois, quand il me tombe un doigt, je le replace, là. Puis quand ça ne tient pas, je mets un gant. Pour que le doigt reste dans le gant, puis qu'à un moment donné, il se crée comme un amour, là. Puis là, ah oh, ouais, ben c'est vrai, je t'ai laissé. Ouais, mais t'étais tellement sec. Ouais, mais on peut-tu se réaimer? Oh! Pouvons-nous refaire notre tissu amoureux? Comme ça, le doigt va tenir? Oh! Ouais, ben là-dessus, là. Le doigt se répond à lui-même, il se fait l'amour, et c'est comme ça que mes membres se réconcilient. Ils se font l'amour. De là, Rénal, être d'amour. Oh! C'est moi, Rénal, l'être d'amour. J'ai un petit poème que j'ai intitulé... Ah non, il va nous faire un poème. Oui, oui. Un poème que j'ai écrit à l'âge de 13 ans. Oh, veux-tu vraiment nous le dire? Non. Non, non. Tu veux pas que je le dise? Non. OK. Tu nous le diras pas? Non, non. S'il vous plaît. Non, non, non. Tu veux pas que je te le dise? Ben là, tu nous as incité, là. Tu sais, on est comme intéressés. Non, non. Fait que là, tu m'as annoncé tantôt que... Non, non. Je t'ai pas... Tu m'as pas... Non, non. Hey. On va retourner là, l'enregistrement. On va l'entendre, ce que tu as voulu dire, là. J'ai bien pris en note. Tu voulais nous présenter un texte que tu avais écrit lorsque tu étais jeune. Et là, c'est... Non, non. On appelle ça une frustration. Non, non. OK, on va passer à un autre sujet. Oui, oui. OK. Ah. Oui, ça me dérange pas, moi, de tourner les pages. J'ai aucun problème à tourner les pages. J'ai un livre passablement pépé qui va avec moi-même. Je suis très pépé. Je fais partie des cornichons qui sont pas dans les pots. Mes cornichons presque surettes, là. À la nette Morissette. À la nette Morissette. C'est un jeu de mots. C'est une blague. Et la comprenez-vous? Ben oui, voyons donc. Hey, c'est ça que je voulais vous dire. Déménagement le 31. Est-ce qu'il y a 31 jours au mois de juin? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah non, il y a 30 jours. Vous vous préparez à déménager? Voyons, non, attendez un peu. Là, on va regarder. Je suis tout excité. Ici, calendrier. Calendrier mensuel. On est au mois de... Oui. Avril, juin. Ah! Hey! Vous vous préparez à déménager. Donc, vous n'êtes plus dans les boîtes, là. Vous avez loué un camion? Puis bien sûr, si vous n'êtes pas pris d'avance, il n'y a plus de camion. Donc, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre ex, vous déménagez, vous qui étiez seul avec votre chat, votre chien, votre canari, votre poisson rouge, pour, pendant un an, essayer de vivre en harmonie avec une autre planète, c'est ça, nous sommes des planètes, je suis une planète, Sonia Pavlik est une planète. Il y en a plein comme ça, je peux vous en nommer, il y en a-tu de la planète? Marie Desrolles, c'est une planète. Isabelle Loriou, Marie-Hélène Aubert, c'est toutes des planètes. On vit comme ça dans des endroits différents, dans des stratosphères différentes. Et un jour, ou peut-être jamais, mais là, admettons qu'un jour, on se rend compte. Donc, les deux bulles, deux planètes à découvrir. Donc, pendant un an, on va essayer de marcher sur l'autre. Puis de voir de quoi il est question. Quels sont ses intérêts? Quelle est sa vie? Hey, allez visiter l'autre côté. Vice-versa, là. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Mais aujourd'hui, plus personne ne reste en couple une vie entière. Si on considère qu'une vie entière doit s'arrêter, je ne sais pas, là, à 90 ans. Admettons 90. Une vie de couple aujourd'hui, c'est quoi? 4-5 ans? Une fois que tu sais un peu, là, oh non, non, je suis loin. Oh, ça ne m'intéresse plus. Mais ça, avant de déménager, là, avant de vouloir amener les deux bulles dans un même appartement, parce que là, c'est clos, deux bulles là, dans un même appartement. Quand vous êtes chacun chez vous et que vous vous réunissez à un domicile ou dans un hôtel, bien là, c'est deux bulles qui se rencontrent mais qui se séparent. Mais là, vous allez vivre en, hein? Bon, proximité. C'est là que ça se décide, la proximité. Mais il y en a des plus futés. Un va vivre avec l'autre pendant 2-3 mois parce que bon, il est moins souvent chez lui. Mais c'est là que ça commence à se dégager. Ben, se dit, oh ben ce serait bien qu'on se prenne un appartement, hein, qu'on vive ensemble, puis qu'on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est le début de la vie amoureuse. C'est ça, c'est bien. Ça, j'adore ça. Puis si on peut... Non, je ne veux pas geler Jim, voyons. Quoique, l'amour n'a pas de sélection mathématique. Donc aujourd'hui, plusieurs Québécois déménagent. Moi, j'ai déménagé à Paris pour rencontrer des artistes. Je vous ramène ça dans quelques jours. Et à partir du mois de septembre, ce sera ma brochette 2017-2018. Ça va vite, la vie. Et j'ai longuement hésité à cause du fait, je reviens avec ça avant de vous faire jouer une chanson, d'y aller, puisque je devais faire des arrêts. Et ça, je veux me rendre rapidement. J'ai pas de temps à perdre là-dessus. Une fois que je suis là, après ça, je veux vivre. Mais le fait de prendre deux fois plus de temps pour y aller, j'ai réfléchi plusieurs semaines. Je peux pas arrêter ça. Je peux pas arrêter cette communion avec l'autre. Donc, j'ai dit, OK. On s'en fera pas. Hein? Lorsque j'ai pris mes billets, j'ai pas réfléchi trop au fait, j'ai pas trop réfléchi au fait de me rendre à Montréal, d'attendre à Montréal 8-9 heures avant de partir à Paris, d'arriver là très tard, donc dans l'embouteillage, prendre 4-5 heures avant de me rendre à l'Opéra, place de l'Opéra, et de place de l'Opéra, prendre le métro pour me rendre sur la rue des Abeilles. Pas penser à ça, là. Puis arriver là à 16 heures, donc je peux pas rencontrer aucun invité la journée où j'arrive, contrairement aux années où je suis en vol direct, donc j'arrive à 7h30 du matin, même 7h, je suis rendu à la rue des Abbesses vers 10h30 du matin, hein, 10h30. Et là, j'ai des invités à partir de midi, et je peux faire ma journée, là, au moins 3 rencontres jusqu'à 18h. Mais là, ma première journée est déjà enfermée, morte. Je me transporte. Là, après coup, avant de prendre mon billet, si ça me prend autant de temps, je vais rallonger mon passage. Donc, j'ai pris 2 jours de plus. Il y a peut-être 2 jours où je prendrai, on appelle ça en France, ça m'énerve, parce que le car rouge. Le car rouge, c'est un bus avec un premier étage, un deuxième étage sans toit, et on se promène dans Paris. Je pense que je vais faire un tour. Et lorsque tu achètes ton billet, bien, c'est pour 2 jours. Donc, tu peux te promener pendant 2 jours. Tu peux rester là comme tu veux, là, une journée entière. Tu pars le matin à 8h, tu amènes ton sandwich, tu pars, tu peux filmer, tu regardes les gens, tu vis avec eux. Puis ça m'arrête juste à côté de moi. Oh, il y a des choses dans la vie, hein? Bon, là, c'est le temps de mettre un peu de musique parce que je crois que les gens ont le tympan qui commence à saigner. C'est vrai? C'est presque vrai. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir. De mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, et je t'emmène au cinéma. Une chanson très connue. le cercle de minuit, on se remet dans l'ambiance. Faire entendre une autre chanson du même opus, même album qui s'appelle Exil, Geoffrey Orima avec Makambo. Thank you. kileba chuli ba lutua, lutua, lutua wunu ekluwe, lutua wunu ekluwe, oh na makambwe, yeah, ngai na makambwe. Para que leva chuliba Silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Action! Cinéma. Aujourd'hui, le vendredi 30 juin, c'était beau, hein? Il y a de la musique que l'on n'entendra jamais de notre vie parce qu'on n'a pas la possibilité d'y parvenir. CKRL vous en offre l'ouverture et surtout la chance d'y parvenir à cette autre sonorité en dehors des sentiers classiques. Ça, je le sais, tu le sais, on le sait, nous le savons, vous le savez, il le sait. Hey, tu conjugues, mon champion? Bravo! Le roi de la conjugaison, c'est moi! Attention, je vais te prendre au mot. Oh, mais là, tu as fait l'erreur de ta vie? Oh, non, non, j'en ai plusieurs dans mon sac. J'ai tellement d'erreurs dans mon sac que je me suis procuré un sac à dos. Mais avec les bretelles renforcées. Parce que c'est tellement lourd que je ne veux pas que ça brise. Et si ça brise, imaginez-vous. Le sac à dos à terre. Le sac à dos par terre. Le sac à dos qui s'ouvre et qui laisse émaner tout ce qui s'y trouvait. Pour ma plus grande joie, c'est l'anarchie. Mais pour d'autres, c'est voyons, ça n'a pas de bon sens. L'anarchie égale pas de bon sens si t'es de la droite. Anarchie égale sublimitati, tuti, tuti, tuti, copie, tuti, tuti, tuti, tuti, tuti, tuti, sublimitati, c'est merveilleux. Gloire à la suprématie de l'originalité. Comment? Gloire à la suprématie de l'originalité. L'originalité. L'originalité. Oh, OK. Prononcer. Mais c'est pas facile de prononcer lorsqu'on a une langue. Lorsqu'on a une voix, et surtout, vous m'avez donné une voix particulière. Et j'espère d'avoir que je vous donne une voix particulière. Faut pelleter. Faut enlever de la granule. Faut enlever des couches. Parce que tu marches. Mais à force de marcher sur la chaussée, il y a quelque chose en dessous de la chaussée. Peut-être plus intéressant. Une chaussée mal placée s'en va dans l'eau froide. Oh, mais oui! Qui dit que où nous marchons? À une certaine époque, ce n'était pas l'océan. Il est complètement disjoncté. C'est moi qui suis ici. J'ai mon petit dodo. Avec ses amis sous ma résoir. Mes amis, mon chou. Vas-y, quand tu vas à Chapillon, lorsque tu marches sur certaines rues à Chapillon, les gens vont chercher ce gars comme champion. C'est où champion, champion, champion, champion? C'est en Champagne. L'endroit le plus connu, c'est Metz. La plus vieille ville de France, c'est Metz. M-E-T-Z. Tu appelles ça comment? M-E-T-Z. OK. Si je prends un crayon, puis M-E. Oui, M-E. M-E-T-Z. OK. Metz. Plus vieille ville en France. Je comprends pas ce qu'il dit. Je suis un Québécois, puis je comprends pas ce qu'il se dit. Metz, M-E-T-S, à côté de Champion. Champion, c'est dans la ville de c'est en Champagne. Champagne. Tu sais, Champagne. Champagne. Là où il y a la veuve. La veuve Clicquot. Il y a un imbécile qui travaille avec moi. Lui, non, c'est pas la veuve Clicquot, c'est la veuve Coquelicot. Il démordait pas. Coquelicot. Je voulais pas lui dire, là, mais dans ma tête, j'ai le cave. Le cave. Les caves ont pas toutes du vin à l'intérieur. Tout est un cave, là, mais tellement profond. J'y suis allé. J'ai fait les vendanges. Je sais que c'est la veuve Clicquot. J'en ai bu sur place. J'ai même embrassé la veuve Coqueliki. J'ai presque avec la veuve. Il s'est passé des affaires entre moi et la veuve, là, puis ça me gêne un peu de dire que c'est une veuve. Parce qu'il n'y a rien de mort en elle. Elle est de plus en plus vivante. La veuve Cliquot, c'est pas la veuve Coquelicot. C'est pas la chanson là, de Mouloudji. Coquelicot, Coquelicot, Coquelicot, Coquelicot. C'est pas une chanson de Mouloudji, ça. Coquelicot, Coquelicot, Coquelicot. Ça n'a rien à voir avec le Coquelicot. C'est Cliquot, la veuve Cliquot. Certains puristes diront que c'est le meilleur champagne au monde. Ils ont sans doute raison. Mais je ne suis pas un puriste du champagne, donc je ne me mouillerai point à peine les lèvres pour m'y abreuver. Et c'est dans le champagne que je vous annonce mon amie Sonia Pavlik. Hey, elle qui ne boit pas. Mais elle ne boit pas. Il y a encore une autre chose. Quand on te dit, ah, moi, je bois pas. On est composé de la majorité d'eau. Tu dois boire quelque chose, là? Du jus de citron? Bon, même si tu veux recréer le si tu veux recréer l'événement, du citron, du zeste de citron sur une éponge, ouais. Le gars, ah, laissez-moi, papy, je veux vivre comme lui. C'est mauvais, clouez-moi, c'est mauvais. Aïe, crucifiez-moi, aïe. Il est le malade. Reviens à nous. Extrémiste. Reviens à nous. C'est le temps de te dire que sous l'océan de Champagne se trouve Sonia Pavlik, qui ne boit pas d'alcool, ou très peu, qui est une intellectuelle, une artiste, une créatrice, une réalisatrice, une journaliste, que j'ai eu la chance de voir trois fois. Ah, si on oublie, oui, il y a 2 ans, elle fut la muse de mes rues des Abbesses lorsque je fais encore mes spectacles, mais pas moi, mais j'organise des spectacles. Moi, je me mets en spectacle, là, tu te mets n'importe où, toi. Oui, en spectacle surtout. Et elle fut la muse de mon ami Chézal. Elle dansait sur sa musique. Elle ne connaissait pas l'artiste. Je les ai rencontrés. La concomitance, le lien a été fait par moi. J'ai un cadre numérique où je vois toutes mes rencontres de Paris et d'ailleurs. D'ailleurs, il est dans mon salon. Et ça tourne tout le temps. Toujours des photos. J'adore mon cadre numérique. Il faudrait que je m'en achète un plus gros, là. Pas immense, là, mais pour donner la place que doivent avoir mes photogrammes dans mon salon. Je sais pas, avant de vous présenter Sonia, j'ai comme un appel sonore d'un groupe que j'adore, un folklore québécois, Les Rêves du Diable, La fille de notre voisin. C'est la fille de notre voisin. Mmh. Ah, c'est la fille de notre voisin. Oh, ce qu'elle est jolie, oh, ce qu'elle est jolie. Oh, ce qu'elle est jolie, oh, ce qu'elle est jolie. Elle s'en va au cabaret. Mmh. Ah, elle s'en va au cabaret. Et puis moi aussi. Et puis moi aussi. Et puis moi aussi. Oh, et puis moi aussi. Oh, et puis moi aussi. Quand elle est venue pour payer. Mmh. Ah, Quand elle est venue pour payer, n'avait point d'argent, n'avait point d'argent, n'avait elle n'avait point d'argent, elle n'avait point d'argent. Et puis moi, quand j'ai vu ça, et puis moi, quand j'ai vu ça, lui en ai prêté, je lui en ai prêté, donné. Je lui en ai prêté, je lui en ai prêté, donné. Quand elle a eu mon argent, quand elle a eu mon argent, se sauva de moi, se sauva de moi. Elle se sauva de moi, elle se sauva de moi. Et puis moi, pas si fou que ça. Et puis moi, pas si fou que ça. Je la poursuivis, je la poursuivis. Je la poursuivis, je la poursuivis. Elle t'imbit dans un fossette. Elle t'imbit dans un fossette. Et moi, par-dessus, et moi, par-dessus. Et puis moi par-dessus, et puis moi par-dessus, je vous laisse à deviner. Je vous laisse à deviner ce que je lui fis, ce que je lui fis. Mon argent, je lui repris. Mon argent, je lui ai pris, et d'autres choses aussi, et d'autres choses aussi. Le rêve du diable. Aujourd'hui, le vendredi 30 juin 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Sonia Pavlik. La suite de la fuite du 23 juin. Aujourd'hui, le 30 juin. Bonne écoute. We'll be right back.

Enfin, c'est pas autre chose. Ah ben non. Enfin, on... c'est... Enfin, pour moi, hein, je dis pas, c'est ma vision du truc, mais enfin, pour moi, faire un enfant, ça serait un choix. As-tu une écriture féministe? Bah, après, je pense que je le suis. Hein, moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Est-ce que ça te préoccupe plus qu'avant? Ça m'a toujours beaucoup préoccupé parce que je viens d'une famille où j'avais des tantes qui revendiquaient le droit de la femme, etc. Qui étaient militantes. Elles n'étaient pas militantes, mais elles ont fait pour, en fait. C'est un genre de militantisme. Voilà, c'est un genre de militantisme. Et puis aussi, elles ont, enfin, il y en a une qui a beaucoup réfléchi, en fait, aussi sur la place du père. Et ça, c'est très intéressant. Surtout dans une approche féministe, en fait, quelle est la place du père? Très jeune, elles m'ont sensibilisé à ça. Et puis c'est vrai que quand on arrive sur le marché du travail, on se dit mais comment ça se fait que j'ai un moindre salaire alors que je fais la même chose, oui. Et comment ça se fait que c'est très compliqué pour moi? Comment ça se fait que il y a des choses auxquelles les hommes aient droit et pas moi, qui suis une femme. L'entrée à l'école, on est encore un peu préservé de ça. Et encore, il y a des moments où moi je sentais qu'il y avait quand même une différence fille-garçon. Où on ne regardait pas forcément pareil la première de classe et le premier de la classe. Voilà. Il y avait déjà une hiérarchie. Oui, c'est ou une manière de regarder la réussite de la fille et du garçon. Oh, ouais. La fille travaille pas, le garçon bosse beaucoup pour réussir. Je sais pas. Moi, j'étais en littéraire, donc c'était un peu différent, mais c'est vrai que c'était. Bon, après, on a tous les prismes, mais je ne vais pas faire de généralité. Hein, mais bon, en tout cas, moi, dans tout ce qui est chiffré, quand je vois les rapports, tu vois, dans le domaine du spectacle, les postes de direction, les metteurs en scène, les auteurs, en fait, ceux qui ne sont pas interprètes, c'est rare. Enfin, c'est. Même si ça bouge, hein, c'est quand même très masculin, cet univers qui est celui de la prise de décision et de la direction et de la création. Alors qu'il y a plein de femmes qui sont auteurs, il y a plein de femmes qui sont metteurs en scène. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu du spectacle qui ont du mal à travailler, du coup elles doivent travailler entre femmes. C'est-à-dire que de ça peut naître de très belles choses, hein, mais c'est vrai qu'en théorie, je trouve ça dommage. En même temps, est-ce que le fait d'être une fille, une femme, peut aider à décocher quelques contrats du fait que, je ne sais pas, une façon d'approche, la manière dont tu peux te présenter ou, Bien sûr que surtout quand c'est un homme qui... En fait, ça dépend ce que l'employeur recherche. Hein, ça dépend comment on se positionne. Ensuite, je pense qu'il faut être recruté pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Pour moi... Mais c'est pas à double tranchant? De quoi? Le fait de se dire... moi, je fais ça... Je prends une approche beaucoup plus, humaniste et non pas séductrice. Ah oui. Ça évite du... peut-être le chemin est plus long, je sais pas, mais en tout cas, ça évite de se mettre dans des situations qui seraient indésirables. Oui. Ça permet d'éviter des situations qui seraient... Fâcheuse, ouais. Est-ce que depuis que tu fais ce travail-là, parce que tu fais plein de choses, t'es tout azimut, sens-tu... T'aimes ça, tout azimut? Non, mais c'est rigolo. Mais moi, j'aime bien cette expression. Mais assumé. Je le vis pas comme ça, mais je fais ça rigolo. Bah, c'est la réalité, okay. C'est-à-dire que tu fais plein de choses artistiques. C'est gentil de me dire que je fais beaucoup de choses. Enfin, je sais pas si... Enfin, bon, bah, t'as plusieurs, non, mais t'as plusieurs branches à ton art. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Donc, en ayant plusieurs branches à ton art... Il y a un tronc commun, mais... Pardon? Il y a un tronc commun, mais il y a plusieurs branches. Ouais, voilà, ben oui, j'espère que... Tout à fait, oui. Mais les racines sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est toi. Oui, voilà. Mais tu utilises des médiums ou des structures autres que ce que tu peux utiliser dans d'autres. Mais oui, mais c'était un peu psychanalyste aussi, c'est bien coach. Ah oui? Non, mais je veux en venir à cette question. Depuis le temps que tu fais ça, ça fait quoi, à peu près 15 ans? Ah ouais, ça fait longtemps. Bon, je pense que ça fait... Oui, ça va faire bientôt 15 ans. Ouais. Donc, les sillons, est-ce que... Les sens-tu, est-ce qu'ils sont visibles pour toi? Est-ce qu'ils sont plus faciles à... Est-ce que ton chemin est plus facile à franchir? Ou à chaque fois, tu dois, un peu comme le Sisyphe, reprendre de la boule et la redescendre, la reprendre, la redescendre, la prendre et la redescendre? Je dirais que c'est un peu des deux. C'est en même temps, à chaque fois, je me dis, c'est sûr que j'ai ça ou je fais ça parce que j'ai fait ça avant. Mmh. Donc, alors, les portes sont ouvertes. On voit une construction. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des moments dans un projet où on est, oh là là, j'ai jamais y arrivé. Okay. Ou, oh là là, parce que, voilà, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de ses réussites. Mais, tu sais, c'est comme là, le joueur de basket qui disait, on voit les buts marqués, mais on voit pas le nombre de paniers. Manqué. Et c'est vrai que tu te prends plein de noms dans la figure, hein. Enfin, donc c'est pour ça, hein. c'est pas évident tous les jours. Donc j'essaye d'avoir une attitude à la fois positive et pessimiste, où je me dis bon, il y a des grandes chances pour que ça marche pas, mais en même temps ça peut marcher, donc il faut essayer. Et comme ça j'avance, et sans être trop déçu aussi, quoi. Tu frappes aux portes ou... Oui, je frappe aux portes. J'essaye aussi de, avec l'expérience, jouer un peu les... En fait, j'arrive mieux à voir à quelle porte c'est utile de frapper. Ok, oui. Est-ce qu'on va mettre de l'énergie à ça? Qu'on va mettre de l'énergie? Voilà. On va penser à notre appel. Voilà. C'est surtout, il y a des portes, tu sais, là, c'est même pas la peine d'essayer de frapper. Il y a trop de serrure, donc le bonhomme oui, va finir voilà, ouais. Et puis aussi, c'est des alchimies, hein. Ça prend quand il y a des personnes qui se rencontrent, qui sont d'accord. Ça, c'est rapidement visible, hein, tu le sens. Il y a comme un fil qui passe ou qui passe pas, un courant qui... Oui, voilà, c'est, on se comprend pas, mais... Avec les années, on se connaît depuis 3 ans, on peut le redire. Ça fait 3 ans, mon bonhomme. Ça fait 3 ans, oui. Mais trouves-tu que tu es moins contemplatif? Ouais. Parce qu'il y a 3 ans, lorsque je t'ai rencontré, tu étais beaucoup plus... plus vaporeuse. Oui, oui. Je pense que je suis... En fait, je suis contemplative, mais différemment. OK. On dirait que tu es plus dans l'action, là. Oui, je suis plus dans l'action, ouais. Je suis plus dans l'action, mais je suis... Ah, mais quand même, il y a un bon suivi, hein, 3 ans, c'est... Oui, oui, hein? Mais je suis toujours... Ouais, attends, ma note. Non, pas de note. Non? Pitié. On doit ton chéquier. Ah, mais... je l'ai apporté. Excellent. Mais, je suis plus dans l'action, après... Après, je reste quand même très contemplative, enfin, c'est important pour moi de faire des choses. Voilà. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Bah, ça n'a jamais été tout le temps, hein, non plus. Okay. Parce que si c'est tout le temps, tu contemples. Mais oui, c'est trouver le juste équilibre, en fait. Parce qu'en même temps, l'errance, comme tu le sais, c'est très créatif et c'est très enrichissant aussi. Oui. Et c'est vrai très surprenant. Voilà. Et Léon, c'est une forme de contemplation pour moi. Enfin, est-ce que tu te surprends encore? Je sais pas si je me surprends moi, mais je me laisse surprendre par ce qui peut m'arriver. Enfin, après, je sais pas si c'est moi qui me surprends. Enfin... Pratiques-tu beaucoup d'écriture automatique? Alors non, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je fais pas beaucoup d'écriture automatique. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées? Oui. Après, ça dépend quel projet. Il y a des projets où ça va vraiment être une phrase qui va paf lancer l'écriture,

et les planétaires on se reverra. Et les planétaires on se reverra. Après bien des années d'errance et de silence embarrassé, les hommes n'ont toujours pas de nationalité. Comment parler de non-violence à un amour qu'on a violé? La dignité n'est pas votre spécialité. Comment va la vie, elle n'est pas très fière sur ses cinq colonnes dans les faits divers. Comment va l'amour quand il vous a vu, a fait demi-tour, on n'en parle plus. Je ne veux plus gueuler comment va le monde et qu'on me réponde il va comme il va. Après bien des années d'errance, de population déplacée, la solitude n'a pas de nationalité. Il faudrait casser ce silence, vous l'avez mal interprété. La dignité n'est pas votre spécialité. Comment va le monde, il est rouge sang, et à mon avis il est beau. Comment va l'amour, il joue les absents, demande au vautour de gagner du temps. Comment va la vie, elle n'est pas très fière sur ses cinq colonnes dans les faits divers. La phrase, est-ce qu'elle se dessine au lever ou au courant de la journée? Ben en fait, ça peut être assez imprévisible. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un carnet sur moi, toujours de quoi noter. Mais ça peut être... Après, il y a plein de méthodes qui existent, en fait, tu sais, pour canaliser ton inspiration. Oui. On m'a parlé d'une méthode que je trouve marrante, où en fait, tu te chronomètres. Pendant 20 minutes, tu écris toutes tes idées. Ensuite, pendant 5 à 10 minutes, tu fais autre chose. Tu reviens pendant 20 minutes comme ça, tu écris tout azimut et tout. Et puis après, au bout de la séance, tu regardes un petit peu ce que tu as fait et tu fais le tri dans tes idées. Ensuite, je pense que... Ça, c'est l'écriture automatique. Oui, okay. Voilà, ça, c'est une forme d'écriture automatique. Et tu fais ça pendant une heure, combien de temps? Bah, autant de temps que tu veux. Okay. Et puis, tu as juste la durée en fonction du temps de travail que tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important de... Ouais. 25, 25, 25. Ouais. Et puis de marcher aussi, moi en marchant, enfin je me souviens de Rousseau en fait, qui marchait beaucoup pour s'inspirer. Et puis aussi parce que de faire de l'exercice ou de faire autre chose, ça permet vraiment de laisser d'irriguer décanter. Le cerveau. Oui. Et surtout c'est excité de tous les sens. Tu marches, tu vois, t'entends, il y a des. Donc tu peux avoir n'importe quelle information qui te qui t'intéresse. Ouais. Et puis parfois, tu vois, ça vient... En fait, c'est marrant, le texte pour enfants, j'avais écrit une première version il y a... Ça fait bien 2-3 ans. Et j'en étais pas complètement satisfaite et tout, j'avais laissé de côté. Et puis, tout d'un coup, un jour, je prends le métro, j'attends une copine qui a bien fait d'être en retard ce jour-là. C'est bien ça. Et je me suis dit, bon, bah, elle est en retard, du coup, j'ai un peu marché. Je vais descendre 2 stations plus tôt et je vais marcher. Et sur le chemin, tout d'un coup, j'ai repensé à cette histoire et en fait, tu sais, j'ai vu l'histoire devant moi. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est trop drôle, ça ressort de je sais pas où, enfin je sais pas pourquoi à ce moment-là et tout. Bon, j'ai pas cherché à comprendre et j'ai réécrit. Et là, je suis arrivée à une version qui me plaît plus et que j'ai avoir envie d'exploiter, enfin de diffuser. Tu as pris des cours de danse l'été dernier? Des cours de danse? Oui. J'ai fait un cours de yoga. Ah, de yoga, excuse-moi. Ouais. Ah, mais c'était pas de la danse. Excuse. Pas, c'est pas grave. Non, mais c'est pas de la danse. C'était du yoga, ouais. C'était pas de la danse. Ah ben non. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, le yoga? Ah, le suivi, attention, hein, la note, ça ouais, sera... Oui, je sais, non, ouais, ouais, j'ai mal fait mon... Ouais, en tout cas. C'est pas grave. Parce que... On a attendu pour faire le spectacle. Mais je croyais sincèrement que c'était de la danse, pas du yoga. Non, non. Ah, OK. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, le yoga? Moi, enfin, qui suis contemplative, tu vois, c'est pas mal. Déjà, tu te détends beaucoup en faisant du yoga. Tu respires mieux. Enfin, il y a plein de bénéfices. Moi, ça m'a ouvert aussi à la méditation. C'est un peu une sorte de nettoyage où tu sens que ça recircule quoi dans ton esprit, c'est une recirculation. Ça m'a apporté plein de choses, hein, franchement. Positif, ouais. Après, je pense que c'est bien de faire tu vois, du yoga et une autre activité plus dynamique. La danse. Mais après, il y a du yoga dynamique. Oui, la danse. Mais j'ai fait un peu de danse, mais je me suis blessée en décembre. Mais en juillet, tu faisais pas de la danse? Mais si, je faisais beaucoup de danse, t'as raison, mais c'était pas pour... Parce que lorsque... Oui, mais si, t'as raison. Je regarde mes courriels, parce que mais je suis oui, sûr que oui. Tu disais... Mais oui, si, si, mais en fait, je pense... Si, si. En fait, je pensais que tu parlais d'un stage, etc. Mais non. Si, si. En fait, là, c'était des cours de danse que je faisais. Ah, voilà, c'était voilà. De la danse. Hein? Oui. Là, le shaky, oui, hein, voilà, le shaky, il y a zéro de ressens, plus. Oui. Et bien, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté, la danse? Bah, la tu danse... t'en rappelais plus, hein? Mais si, je m'en souviens, mais c'est... Ah, c'est dans le temps, la temporalité était oui, un voilà, peu défaillante. La voilà, défaillante. Oui, bah, à l'époque, c'était de la danse plutôt... Au mois de juillet, je faisais... Je faisais des danses qui étaient assez éloignées de ma nature première, tu vois, sur un autre rythme, parce sur un autre mode. Parce que c'était plus funky. Ouais, voilà, ouais. C'était ouais. De la danse funk. Oui, très funk. Ouais. C'était, hein? C'était du, comment on appelle ça Électro-funk. Non, c'était pas électro-funk. C'était tout ce qui est un peu R&B, tu sais, afro, machin. En un mot, de la musique urbaine. Ouais, voilà. Voilà. De la musique urbaine, exactement. Urbaine. Ouais. Et c'était chouette, j'aimais bien. Écoutes-tu de la musique urbaine? J'aime bien en écouter, après je connais pas bien, tu vois, enfin je suis plus passive quoi, je me laisse un petit peu porter par ce qui vient. Ton côté de comédienne, est-ce que ça te donne le goût de monter sur scène? Ah oui, en fait il y a eu un moment où j'avais plus du tout envie et là bon j'ai refait des petits trucs par-ci par-là, hein, de ci de là. Et je me dis peut-être après, c'est vrai que tu vois. En fait, j'ai vraiment envie d'être moi-même. Et c'est vrai que je me vois pas fonctionner sur des mois avec un rôle. Ah, OK, parce que le moi-même ne serait plus présent. Ben, il sera présent, tu vois. Mais lorsque tu vas prendre ton rôle... Voilà, ouais. Pourquoi tu veux rester toi-même? Parce que je trouve que c'est important. Mais une comédienne, c'est oui, ça oui. Le but de la comédienne, c'est de lui être elle-même. Bah oui, donc c'est pour ça que je te dis... Oui, mais pas maintenant. On est bien d'accord. Oui, mais pas maintenant, c'est ça? Bah, en fait, oui, voilà. Alors après, c'est des moments, parce que aussi, il y a des textes qui sont tellement beaux, tu vois, t'as envie de les transporter avec toi, envie qu'ils te nourrissent, oui, etc. Oui, okay. Après, c'est pas du tout que je suis en train de dire que les acteurs se perdent dans leur rôle, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que quand même, c'est un compagnonnage. Et quand tu joues, on est traversé par les mots qu'on ouais. joue, hein, c'est sûr. Ouais. Et du coup, voilà, c'est une fois de plus, c'est pouvoir choisir. Moi, j'aime bien aussi l'approche de la caméra par rapport à ça. Parce que je trouve que la caméra, ça, tu peux rester plus proche. Oui. Et puis voilà, tu joues ton rôle et puis c'est fini. Tandis qu'au théâtre, ça peut être là comme années. Oui, c'est la continuité, c'est un spectacle vivant. Donc, c'est après la pièce, qu'est-ce qui se passe avec le comédien et la comédienne. Surtout quand c'est un drame, quand c'est une comédie, c'est autre chose. Hein. Oui. Mais après, tu vois, c'est pour ça aussi, ça dépend de quoi ce que tu joues. Enfin, ouais. Moi, jouer un Fedo, je serais ravie. Enfin, tu vois, parce que c'est enfin, moi, je trouve ça génial. Oh, c'est, oui. Ça te met. Ça te motive. Ça te motive. Bang, bang, bang, bang. Ouais, et surtout, c'est de réapprendre le rythme. Ouais. Tu fais d'eau. Oui. Ouais. Mais voilà, tout à fait. C'est ça, le rythme du Fedo, j'adore. Enfin, c'est grisant. Oui. Et après, aussi, voilà, il y a plein de metteurs en scène qui ont une certaine approche du jeu où c'est très agréable aussi parce que t'as pas l'impression que tu rentres dans des turpitudes par rapport à ton personnage. Donc ça dépend en fait avec quoi et qui. Quel metteur en scène et quel texte. Tu n'aurais jamais joué dans un film de Piala? Ben, je sais pas, parce que c'est quand même tellement beau, tu vois. Mais c'est tellement prenant. Bah oui, mais... Il y avait prêt payé pour... Il y avait prêt payé pour travailler avec Piala. Alors voilà, après c'est aussi des moments de vie. Il y a des moments où tu vas pas du tout te sentir assez solide pour te confronter à ça, et d'autres fois où tu vas faire... Bon, es-tu une fille solide? Oui, en plus, plus j'avance, plus... Plus c'est affirmé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est affirmé? C'est les réussites? Bah, c'est un travail qu'on fait sur soi. Hein. C'est, c'est le cheminement. C'est le cheminement, ouais. Et surtout, les cours et toute la structure que tu t'es... que tu as choisi de prendre et d'avoir pour pouvoir évoluer et d'être encore plus solide ou plus enrichi de... Oui, voilà, ouais, c'est... En fait, c'est pour ça aussi, je dis, c'est important d'être soi-même, parce que je trouve que c'est vraiment une force. C'est ça qui donne de la force, en fait. Mais comment être soi-même? Bah, après... Qu'est-ce qu'être soi-même? Bah, voilà, alors après, tu vois, si je peux le formuler comme ça, ça serait aussi voir, en fait, ce qui est bon pour soi, et ce qui nous plaît, et ce qui nous fait du bien. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas être en... C'est... Parfois, on sent qu'on se force à faire des choses. Bon, il y a des fois, on est obligé, hein. Mais il faut que quand ça soit pour une raison constructive et qu'on se dise « bon, bah, je le fais parce que c'est bon pour moi ». D'après toi, est-ce que Fabrice Lucchini est... Je sais pas, je le connais pas. Ok. Mais pour jouer comme ça, est-ce qu'il est dans le réel ou s'il est dans... Je sais pas. Après, il a l'air... En tout cas, il donne l'image de quelqu'un qui s'éclate dans ce qu'il fait. Il a l'air de faire quand même des spectacles qui le passionnent. Il a un rapport aux auteurs quand même... Enfin, je pense que pour faire ce qu'il il fait... Il désacralise, en tout cas. Oui. Il désacralise. Oui, et puis je pense que pour faire ce qu'il fait, il doit être honnête, parce que... Enfin, voilà, je pense que sinon, il s'amuserait pas à prendre par cœur tous ses textes. Vous avez connu ceux qui, dans un élan de poésie mal contrôlée, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, se met à l'arrière des taxis. Se met à l'arrière des taxis. Et peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin. Berlin l'enchanteresse. Et le déjà vieux règne de l'électricité, partout même sous nos peaux. La cicatrice au néon et les égouts qui débordent, en pensant à Librik et Vladimir Mayakovsky. Il se met à bien traiter. We'll be right back. Alors j'y ai pensé, j'y pense de temps en temps. C'est vrai que avec une copine, on a fait une vidéo et ça m'a bien amusé de le faire. Ouais, récemment. C'était dans le cadre de la promotion de son spectacle et j'avais bien aimé le faire. Donc peut-être ça viendra. Après, je sais pas sous quelle forme. Ce sera peut-être la vidéo. Mais sur scène, non. Je sais pas. Franchement, peut-être. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'exclus du tout. C'est peut-être. Je sais que je me le dis de temps en temps. Okay. Je me dis, tiens, ça serait, Les projets tiens, ça serait marrant de faire ça. Mais bon, après, ça dépend où on en est, ce qu'on fait. Et je sais que là, ma priorité n'est pas là. N'est pas là, ouais. La chanson, est-ce que c'est un médium qui te plairait aussi? Oh ouais, ça m'arrive de chanter. Ça m'arrive de chanter, après je me vois pas chanteuse à plein temps. Enfin, ok. Écris-tu tes propres textes? Je suis plus une comédienne qui sait chanter, tu vois. Okay. Est-ce que tu chantes tes propres textes? Oui, je l'ai fait. Est-ce que tu connais instrument musique? Non. En fait, j'avais travaillé avec un musicien et du coup, j'avais chanté mes textes avec lui. Et ça verse dans quel style? C'était plutôt pop, folk. Et moi, c'est girly? Non, c'était pas girly. Mais ça peut l'être. Moi, je le voyais pas comme ça, mais bon, peut-être il y a des gens qui trouvent ça girly. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas un péjoratif. Non, pas péjoratif non plus. Non, mais c'est vrai. Mais toi, même, c'est marrant comment on voit qu'on est conditionné. Moi, au début, quand t'as dit girly, j'ai fait non. Ah, ouais, c'est ça, ouais, les petites nénettes. Les petites nénettes, et en fait, pourquoi pas. Mais non, c'est ça. Ouais. Parce que ça peut être de la pop bonbon et c'est rien de. Bah oui. C'est agréable des bonbons. Tout à fait. Je vous ai apporté des bonbons. Voilà. Charlie Florence. Hey, j'ai 10 questions. Hey, c'est tout ce qui m'est arrivé. Non. Mais je sens que je le savais. Peut-être. Et en plus, j'ai hésité à t'en parler. Je voulais te le dire lorsque tu étais arrivé. Ça sort... Je suis sûr que ça te surprendra pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je devais rencontrer. Mais j'ai rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un? Non, j'ai rencontré, mais non. Mais tu vois ça c'est comment vrai. Quand je dis ça, j'ai rencontré quelqu'un? Ah, t'as rencontré. T'étais sur Tinder, je sais pas quoi. J'étais qui? Non, t'étais sur Tinder. Ou ah non, ici, dans le réel. Oui, non, mais j'avais bien compris. Non, je disais ça pour te taquiner. Ok. Non. Oui, ça, c'est un site où on appelle toutes les gens qui sont dans ton entourage. Oui, voilà, oui. Ça, oui. C'est une connerie incroyable. En tout cas, donc, je rencontre une artiste. Ouais? Okay. Marie Stone. Ouais, mais son vrai nom, c'est Marie-Philippe. D'accord. OK. Donc, la rencontre se prépare. Mary Stone. Oui, non, mais elle l'est pas. Mais c'est parce que moi, j'arrive à 10h moins 5. Ouais. Bon, elle n'est pas encore arrivée. Classé. Donc, j'envoie quelqu'un. Non, plus, d'ailleurs, j'étais pas arrivée. Non, mais c'est rare, les gens, là. J'en ai eu deux, trois, mais en tout cas, ça c'est l'autre histoire aussi. Donc j'arrive et puis je prends ma tablette et j'envoie, je suis arrivé, blablabla. J'ai pas dit que j'étais en robe quand même, je la connaissais pas. Assez. Je la connaissais pas. Ouais, assez. Mais ça fait déjà 3 ans que j'essaie de la rencontrer. De la rencontrer, mais elle n'habite pas à Paris. Ah oui, c'est compliqué. Mais. Elle habite où alors? Aix-en-Provence. Ah, mais oui. Elle s'en va prendre son avion pour aller. Valider un cours de yoga qu'elle prend et ça va en Chine. Ah oui, ok. 3 semaines d'intensif sur ah oui, les monts, oh là là. Machin truc. Ah ouais. Donc, mais là, j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, j'ai ma feuille. Et je ne sais pas si tu me connais un peu, pas vraiment. Hein? Ben, dis-moi. Ok. Au moins, j'apprends à te connaître comme ça. Ouais, je peux être, comme Clonugno Caro disait, je peux être à côté de mes baskets. OK. Mais ce qui m'a rassuré, c'est quand on a présenté sa biographie sur France Inter il y a quelques années. À chaque été, on prend un artiste, un chanteur, et avec des archives et des amis, on retrace l'histoire de Barbara. Ils l'ont fait avec Brassens, avec Renaud. Bon. Et Claude Nougaro a dit à un moment donné, j'ai toujours été à côté de mes baskets. J'ai dit, ah, ben c'est bien, je ne suis pas tout seul. Mais non. Bon. Mais ça, c'est rassurant de savoir que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont écoutés dans ma salle. Ah, ben, j'en suis bien. Oui, t'as pas tout ça. Alors donc, moi, je me prépare. Hein. Là, elle dit, en parlant de basket, je vais avoir des baskets orange. Et là, je regarde, au lieu de regarder le visage, je regarde les pieds. Et je vois des pieds avec des baskets orange. Je la salue, et je la n'aime pas par le bon prénom. Je me suis trompé de dossier. Et là, j'ai dit, ah, c'est gentil de venir ici à Paris. Tu es nantaise? Je suis pas nantaise. OK. Mais vous êtes, parce qu'on se tutoie, tu travailles dans la traduction. Elle dit non. Et là, je se sentais, là, mais c'est pas grave, je sais très bien récupérer, mais ça me dérange pas. Oui. Parce que je suis très bon dans la récupération, je sais patiner. Au niveau intellectuel, mais pas au niveau physique, je suis pas très bon en patin. Mais au niveau intellectuel, il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut m'arriver n'importe quand et j'en suis heureux parce que je peux rebondir. Bon, alors là, j'y dirais pas que j'ai pas la bonne fiche et je dirais pas que je sais pas qui est en avant de moi. Donc ça va. OK, parce que j'avais pas. Bon, c'est la personne mais, que. Mais du coup, elle va le savoir. Ben non, parce qu'elle aura pas. Elle va avoir le sien, mais elle aura pas. Mais là, le truc, c'est que l'invité sur lequel je me suis préparé, je la reçois à 16h. Ah, ben du coup, t'es hyper prêt pour ton invité suivante. Oui, elle me présente son fils. Son fils est humoriste, en tout cas, c'est nous qui sommes. Et donc, là, je me dis, comment je vais m'en sortir? Là, j'ai dit, ben c'est pas compliqué, elle est dans le monde de la création. Alors, on va aller dans ce sentier-là, on va peut-être ouvrir des portes. Effectivement, elle a commencé à ouvrir des portes. Alors, là, elle commence à parler de salsa. Bon, j'ai dit, soit qu'elle est danseuse, soit qu'elle est musicienne. Ouais. Alors, je me rappelais plus, j'avais pas le bon truc. Ah, là. C'est trop drôle. Mais sur Internet, j'avais fait mes recherches avant. Là, tu sais, je prends pas la oui. première. Et là, je me suis dit, comment je vais. Et tranquillement, elle commence à s'ouvrir, oui, avec mes rencontres brésiliennes, mes cours de musique à l'université en musicologie. Ah, là, parfait, on était parti. C'était fait. Mais au début, j'étais dans quelqu'un. Ouais. C'est trop drôle. Hey, j'ai dit question. Ça se trouve, au départ, tu ne me reconnaissais pas, tu disais c'est non, non, non, non, non. Ah oui, bien, mais encore pour chapeauter le propos du gars qui n'est pas là, c'est que j'arrive et en arrivant, je vois une jeune fille arriver vers moi. Je dis, ah, bonjour, moi, c'est Renal. Elle ne parlait même pas français. Ah, c'est drôle. Mais, le reste, elle est venue déjeuner juste à côté de moi. Ah, oui, c'est beau. Ah, quand même. Donc, j'ai 10 questions. Bon. Les mêmes. Donc, on va mettre en parallèle il y a 3 ans et aujourd'hui. Ah non, c'est pas vrai, c'est drôle. Ben oui, c'est drôle. Tu veux vraiment faire mon psy, alors? Oui. Es-tu prêt? Allez. Si tu étais un liquide. Ben, je pense au sirop d'orgeat, mais je vais trouver autre chose. Pourquoi le sirop d'orgeat? Ben, parce que j'en bois. C'est pas très c'est bon. Bon ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Moi, j'aime le petit goût sucré et l'anis, en fait. Enfin, je sais pas. Ben, on dirait que c'est pas assez prononcé à mon goût. Mm. Peut-être qu'ils en ont pas mis assez, c'est tout. Mais pour moi, l'anis, c'est le Ricard. On est dans une autre dimension. Non, mais c'est peut-être qu'ils en ont pas mis assez. Okay. Ils ont peut-être pas mis assez de sirop. Est-ce qu'ils en ont mis assez? Donc, c'est vrai qu'il y en a, j'en ai bu où ils étaient plus prononcés. Okay. Mais ils auraient pu en mettre un peu plus, ça aurait été mieux. Alors, ça serait mais non, j'ai envie de. Attends, laisse-moi 2 secondes pour réfléchir quand même. Alors, en fait... ta crédibilité est en jeu. Moi, si j'étais, de l'eau, si j'étais un liquide, ça serait de l'eau. Ouais. Et ça serait, de l'eau... souterraine. Non, qui mousse. Tu sais, quand ça tombe, là, il y a de la mousse. Ah oui. Voilà, okay. Alors, ça serait un courant d'eau. Voilà, un courant d'eau qui mousse. Pourquoi? Parce que c'est glissant sur une pierre lorsque tu es sur un courant d'eau. Parce qu'il y a... Oui, mais moi je suis l'eau, donc. Ouais. Tu caresses la roche. Je caresse la roche. Tu caresses la roche. J'ai la mousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. La secousse émousse. J'ai un Mickey Mouse, une espèce de pousse de bambou dans sa brousse qui pousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu la secousses émousse, j'ai un Mickey Mouse. 4 pieds 6 pouces, qui fit chou blanc de rousse, la frousse. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse, et quand tu le secoues, c'est mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses, en avant toutes et tous, je pousse. Thank you.

visiter une ville. En fait, si j'ai une ville, je suis mis à Paris. Paris ? Non. Si j'étais une ville, je pense. Oui, quand même Paris. Hein, quel arrondissement ? 9e. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Ouais, c'est assez cohérent. Mais si j'ai envie d'exotisme. Toi dans le 18e. Non, mais en fait. Paris, c'est la première réponse qui me vient, ouais. mais en même temps, j'en vois pas vraiment d'autres que je pourrais être, donc j'ai resté sur Paris. Après, j'aimerais bien être une ville plus au bord de la mer, mais je sais pas laquelle. Si tu étais une langue. Une langue, l'anglais. Est-ce que tu maîtrises ? Je parle bien anglais après. Avec l'accent ? Non. Avec un accent qui est le français, mais. C'est bien, hein. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque, moi j'aimerais bien vivre dans les années 60. Normal, c'est après. Classique. Ouais, j'aurais bien aimé 60-70. Pourquoi ? Pour tout ce qui est un peu révolution culturelle, tout ça. Sexuelle aussi ? On va. Mais crois-tu qu'aujourd'hui on écope de cette période-là parce qu'on est de plus en plus malheureusement censuré, on est plus moins libre, tout est cloisonné, stéréotypé. Je pense pas. Je pense que ça dépend quelles sont les idées dont tu t'entoures, en fait. Quel est ton environnement, parce qu'on est en même temps dans une époque qui te permet plein de choses, où il y a plein d'ouvertures qui se créent, il y a plein de propositions. Et tu trouves que c'est pas... Depuis quelques années, on est plus ou moins dans le... On craint de dire des choses, on veut cacher, on veut pas être authentique, on essaie de... Ça je sais pas, tu vois, moi ce que je dirais plus par rapport à l'époque, c'est qu'avant j'avais l'impression que je pouvais me laisser porter, tu vois, en choisissant tel boulot, etc. Tandis que là, je trouve que ce qui est difficile, c'est que... il faut quand même être hyper présent. Ah oui. Tu vois, c'est... C'est-à-dire, je dis pas qu'avant tout roulait et tout était facile, etc. Hein, je dis pas ça, hein, en tout cas, tu disais, j'entre dans cette boîte, je vais y rester. En général. Hein. Ah ouais. Donc, c'est le côté confortable. Voilà, aussi, là. Je vais avoir un CDI, tout ça, ouais. Et tu pouvais te dire, voilà, tandis que moi, honnêtement, honnêtement, je sais pas de quoi demain sera fait. Enfin, j'en ai aucune idée. Tandis que plus jeune, quand j'ai commencé à bosser, avant la crise et tout, je pouvais me projeter, imaginer un avenir. Là, je le fais quand même, hein, mais je me dis que c'est plus difficile. Ouais. Si tu étais un aliment Du poulet au curry. Du riz au curry. Ouais, du poulet avec du riz. Oh oui. Ah, moi, c'est souvent. Ah ouais, j'adore. C'est plus léger l'été. Ah ouais, c'est trop bon. Si tu étais un mot. Chelou. Chelou. Ouais, chelou. Nous, on dit chenou. C'est vrai, ça veut dire quoi ? Chenou, chez nous. Chez nous ? On est chenou. On est chenou ? On est-tu bien chenou ? Chelou, ça veut dire bizarre. Okay. Ah ben voilà, chenou. Je suis chenou, mais chez nous, c'est... Chez nous, on fait l'abréviation chenou. On est d'accord. Bien chenou. Ah d'accord, chenou. Ouais. Chenou. Ben, j'apprends un peu, tu vois, de québécois. Ben, c'est un dialecte. Ok. Chenou. Chenou. Allez, est-ce que j'ai remplacé chelou par chenou ? Te remplacer, ça fait un peu genou d'ailleurs. Chenou. Ça dépend de la prononciation, faut laisser glisser. Mais chelou, je trouve ça rigolo. Okay. Ouais, chelou, tu vois, c'est mignon. Il y a un côté. C'est pas tellement pour ce que ça dit. Hein. C'est la consonance. Ça, ouais, j'aime bien chelou, c'est rigolo. Si tu étais une saison. Le printemps. Renaissance. Ouais, voilà. Mais l'été aussi, c'est bien. J'hésitais entre l'été et le printemps, mais une saison, il fait beau. Comme aujourd'hui. Oui, voilà. Si tu étais un membre corporel. Un bras. Enfin, avec la main. Mais quand tu t'es mis à rire, qu'est-ce que tu avais comme... Ah ben non, c'est parce que je me suis dit, c'est marrant comme question, hein, c'est tout. Non, je me suis rien dit. Si tu étais un moment de la journée. Merci. Moi j'aime bien le soir. Pour bah, j'aime bien, c'est le moment, en fait j'aime bien le soir d'été, où c'est le soir où t'es avec tes copains, où il fait encore jour, mais où la lumière a baissé, ah ouais. J'aime bien ce moment-là. Le moment de l'apéro. Ouais. L'année dernière, on ne peut rien cacher. Comment, pardon? On ne peut rien te cacher. Non, mais en même temps, j'essayais de faire une sorte de poésie, oui, mais non, ouais, non. Moi, c'est le thérapeute. Hein. C'est l'apéro. Ouais, t'aimes l'apéro, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, tu t'étais... tu avais choisi... L'année dernière ou il y a 3 ans? L'année dernière. D'accord. Tu avais choisi de ne pas boire durant l'été. T'as raison. Mais je bois toujours très peu, hein. Je bois peu d'alcool. Pourquoi? Encore? J'en bois peu parce que en fait après je me sens pas bien. Enfin, j'aime pas le lendemain en fait. Okay. Du coup, c'est maintenant, juste un verre de vin. Je bois du bon. Je préfère boire du bon alcool. Parce qu'après tu sens mieux. Ouais, tu vois, le bon vin, okay. Bon. Même. En fait, quand l'alcool est bon, en général, le lendemain, ça va. Et j'évite tout ce qui est mélange. Okay. Bon. Mais c'est vrai que j'adore le mojito, alors parfois j'en prends, mais je bois très peu, enfin c'est pas ma tasse de thé. Non, l'alcool c'est pas ta tasse de thé. C'était un autre individu. Alors après, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait d'être dans la tête de Beyoncé. Ok. Du coup... c'est pas dans la tête, c'est dans les fesses. Oui, dans les deux. Ok. Et du coup, ça m'amuserait de pouvoir vivre la vie de Beyoncé une journée, tu vois. La féminité de Beyoncé. Je sais pas si c'est la féminité, mais sa vie, voir, enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi tu l'écoutes bien, hein? Ça a l'air, enfin, c'est quand même assez étonnant, quoi. Qu'est-ce qui est étonnant? Bah, tout ce qu'elle fait, à quel point elle est active. Tu l'aimes. Après, moi, je suis allée à son concert et ça m'a un peu énervée. Je trouve que la musique, c'est vraiment très inégal. Okay. Et moi, Beyoncé, il y a des matins où je l'écoutais parce qu'elle me donnait la pêche. Tu vois, j'écoutais ses chansons parce que pour démarrer la journée. Non, je trouve ça, maintenant, ça doit être son avant-dernier. Okay. Et tu vois, ça rythmait, enfin je sais pas, je trouvais ça assez sympa, ouais, assez groove, tout ça. Et elle peut m'énerver ou voilà, ensuite c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un côté hyper battant qui fait que je trouve qu'elle est plus intéressante que d'autres chanteuses Mais son concert, moi, ça m'avait énervé. Je trouvais que c'était un... Enfin, ça m'avait déçu, en fait. Mais bon, je pense à elle parce que je trouve qu'elle est assez hors norme. C'est ça, en fait. Mais après... Lady Gaga, elle est peut-être un peu plus. Bah, on la voit moins en ce moment, Lady Gaga. Mais c'est vrai que Lady Gaga aussi, elle est... Enfin, ça doit être rigolo d'être dans la tête de ces pop stars une journée. Il y a peut-être 20 ans, tu aurais dit Madonna. Oui, voilà, peut-être. Ouais. Non, mais juste pour voir, tu vois, quel est le rapport au monde. Mais une femme, ce qu'elle se dit. Une méga star féminine. Ouais, juste pour voir ce que c'est. Après, tu vois, je pense que... Enfin, ça, c'est ma première réponse. Après, si j'ai le droit à une deuxième réponse, oui. J'aimerais bien être... sinon, tu vois, dans la tête... ou de quelqu'un, tu vois, qui veut vraiment, qui a à cœur d'aider l'humanité. Mère Teresa. Ou qui a rabi, ou tu vois, enfin... Je passe une femme. Ou un homme politique. En fait, moi, ça m'intéresserait pour voir, tu vois, quelqu'un qui fonctionne... Enfin, voilà, comment... Qui a des décisions à prendre. Voilà, comment ça fonctionne là-dedans, ouais. Oui, et qui est dans tout un jeu de pouvoir, tout ça. Et c'est, au bout du compte, à se demander, est-ce qu'il a vraiment une décision, est-ce qu'il décide réellement? Ouais. Ou si c'est pas une équipe derrière lui qui lui pousse la... C'est intéressant. Ouais. Parce que je crois que c'est cool la deuxième. Oui, c'est intéressant justement de voir... Il juste la représentation en fait, de la décision. De voir les coulisses. En fait, ouais. Bah, en fait, moi, je pense que ce qui m'intéresserait, c'est tu vois, de voir en fait, ce qui se passe dans ce qui est montré comme... tu vois, ce qui est mis en avant par les médias, en fait. Quelles sont les coulisses de ça? C'est pour ça. Aimerais-tu écrire... Ce que les premiers ministres, les ministres disent les discours, non, pas particulièrement. Après, ça dépend qui, tu vois, si c'est quelqu'un dont je crois... Est-ce qu'on doit croire aux politiciens pour écrire... Je pense que non. Je pense que c'est possible de... Voilà, parce que quand t'es auteur, quand t'es écrivain, t'es capable justement de te placer à la place de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, moi, si je le faisais au quotidien, j'aimerais bien être en accord avec ses idées politiques. Enfin, c'est le côté moral. Voilà. Ou même pour être en accord avec moi-même, tu vois. Ouais, c'est important. Oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, je pense qu'il y a des choses que je ferais différemment. Plus rapidement? Peut-être, ouais, peut-être. Mais, ou pas, tu vois, on n'en sait rien, mais... et puis, ça se trouve, tu vois, dans quelques temps, je me dirais, en fait, je suis très content d'avoir fait le chemin que j'ai choisi, enfin, que j'ai parcouru. Je l'ai rappelé, peut-être, voilà. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, zut, j'aimerais bien revenir en arrière, j'aurais fait différemment. Après, il y a des moments où tu te dis, bon, finalement, tout va bien. Fin... Parce que c'est grâce à ça que t'es rendu. Oui, voilà, ouais aussi, ouais. Mais ouais, peut-être, tu vois, je pense que peut-être j'aurais... si je devais revenir sur quelque chose, ça serait un peu mes années d'études. Okay. Je pense que j'aurais choisi, j'aurais pas fait les études que j'ai faites. Pourquoi ? Ça t'a desservi ? Non, ça m'a pas desservi, mais pas du tout. Hein. Au contraire, hein, c'est très bien, mais je pense que... Tu as perdu trop de temps là-dessus ? Non, c'est pas une question de ça. Je pense que si je m'étais mieux écouté moi, j'aurais fait autre chose. Ok. Mais en même temps, ce que j'ai fait, c'était fait intéressant. Bah, je pense que tu vois, j'aurais tenté plutôt les écoles de cinéma, en fait. Ah oui, ok. Ah. Mais bon, je l'ai pas fait. Après, si ça se trouve, c'est ce que tu vois, c'est pour ça. Là, c'est ce que je me dis en ce moment, mais si ça se trouve, dans 5 ans, je me dirais, bah, je suis super contente. Finalement, de même ça, je le referais pas différemment. Tu peux, les idées que tu as ne sont pas arrêtées. Voilà, oui. C'est bien parce que c'est rare, des gens comme ça. Bah, je sais pas si c'est rare, mais... Mais c'est bon signe, c'est vraiment en question. On voit qu'on évolue, donc il y a des fois... C'est l'équilibre et le déséquilibre. Ouais. Et puis franchement, il y a des fois on se dit mais pourquoi j'ai perdu du temps là-dedans, et puis après on se rend compte qu'en fait non, on n'a pas perdu du temps parce que cette chose-là nous a permis autre chose. Enfin... Sonia, merci d'être passé à mon émission. Ah bah c'était un plaisir. On s'était vu l'année dernière, tu avais dansé avec Monsieur Chézard. Mais oui, tout à fait, c'était très sympa, tu l'as revu. Je l'ai revu hier, il est venu faire 6 chansons, il te fait dire bonjour. Ah ben moi aussi je passe le bonjour. Puis il s'est étonné de ne pas connaître l'actualité, la tienne, et donc... Ah mais pourquoi il ne la connaît pas? Je sais pas, il m'a dit j'ai aucune nouvelle depuis l'année dernière. Okay. Ah bah c'est un peu écrit, mais j'avais pas pu aller à son concert. Ok. Mais là, il tourne de plus en plus. Okay. Hein. Il fait deux spectacles par semaine. Le truc, c'est que moi, je vois pas... tu sais, en fait, on est beaucoup en contact via Facebook. Ouais. Et en fait, je vois pas les événements. Okay. Mais par exemple, je pense avoir invité à ma projection. Hein. Il n'est pas venu. Bah non, mais peut-être il a pas été au courant. Ok. Ah. Bah, je sais pas. Hein. Ouais, écoute, j'ai pas été invité. Bah je savais que tu serais pas à Paris. Ah. C'est pour ça. Mais même avec le virtuel, mais peut-être que tu l'as pas vu après. En fait, comme j'ai fait des invitations à Facebook, il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Pourquoi? Ah, ça a glissé dans le courrier. Ouais, voilà. Ah, ça arrive souvent, ça. Ouais. Ah, le filtre, oui. Bon, enfin, je sais pas si c'est le filtre ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Ah, ouais. C'est triste. Ouais, c'est triste. Est-ce que il y a gens... Il y a des gens qui l'ont vu, hein, qui sont venus. Oui, merci, parce que là, être tout seul, bon. Bravo. Bravo. Sonia, bravo. Et on se retrouve... Eh ben, merci à toi. Hein. Ça bravo à toi. Bah, écoute, bravo à nous. Bravo à toi, pour nous. Et c'est ça. On se retrouve un de ces quatre. Eh ben ouais, avec plaisir. En discutant comme ça, bâton rompu. Mais oui. C'est ça le plaisir. Mais je boirai plus. Ouais, voilà, tu boiras plus en charge. Bye bye. Bye bye. Allez, bisous. Bisous. Je suis ben plus flyé que t'es flyé, les fesses m'emballotent sur le côté. Je suis ben plus parti que t'es parti, je me shoot du Windex dans le châssis. Je suis bien plus stone que t'es stone, je suis tout together all alone. Je suis bien plus ceci que cela, je suis dans un taxi d'Arvida. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.